Bienvenue sur les chemins de la philosophie où nous poursuivons notre traversée de l'œuvre d'Antonio Gramsci en nous attachant aujourd'hui à un concept qui n'en a pas l'air, le sens commun. En quoi est-il révolutionnaire? Comment révèle-t-il le philosophe en chacun de nous? Est-il si commun que ça? Le monde d'aujourd'hui, en tout cas la France, se caractérise par un niveau de chômage encore important et important depuis longtemps. Il se caractérise par le fait que les études sont de plus en plus longues, que les carrières sont parfois très heurtées, que le temps partiel s'est profondément développé. On peut, à juste titre, vouloir changer beaucoup de cela. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et il est sage de voir le monde tel qu'il est lorsque l'on veut apporter des réponses. Nous devons donc construire la protection sociale du XXIe siècle en prenant mieux en compte les nouveaux visages de la précarité. Bonjour Christophe Miluski. Bonjour. Vous êtes professeur en études italiennes, littérature contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, co-directeur du CRIX, Centre de recherche italienne de l'Université Paris-Nanterre, traducteur et écrivain. Vous connaissez bien, très bien même, l'œuvre d'Antonio Gramsci. Vous avez co-organisé une journée d'études en décembre 2018 sur les usages et mésusages de sa pensée. Il y a 2 mois, vous l'avez reconnu, le Premier ministre Édouard Philippe présentait et justifiait la réforme en cours des retraites avec des arguments qui peuvent sembler s'imposer à tous. Il dit d'ailleurs qu'il décrit le monde tel qu'il est. Est-ce que c'est ça le sens commun et ce concept de sens commun que Antonio Gramsci nous a légué? Alors, la question du sens commun chez Gramsci n'est pas simple, hein, comme d'ailleurs toutes les questions qu'on soulève quand on parle de Gramsci, puisque je commence par rappeler, après certainement les gens qui m'ont précédé, que Gramsci n'a pas laissé une œuvre achevée, organique, qu'il a lui-même composée de bout en bout. Il a laissé des fragments, une très grande quantité de fragments. Il a laissé beaucoup d'articles antérieurs à son incarcération, parus dans de nombreux journaux politiques, dont certains qu'il a lui-même créés. Mais il n'est pas l'auteur d'une œuvre au sens classique du terme. On peut même pas dire que c'est une œuvre ouverte, comme dirait Umberto Eco, puisque elle n'est pas en devenir, elle n'est pas en mouvement, elle est à l'état plutôt de chantier, de jachère. Du coup, la plupart des concepts qu'il soulève, et puis il faut se souvenir aussi qu'il utilise les livres qu'on peut lui accorder dans sa prison, en nombre restreint. Il peut pas avoir accès à toutes les bibliothèques qu'il désire, qu'il n'a pas accès tout de suite à cette possibilité. Pendant 1 ou 2 ans, il ne peut rien lire du tout. Et donc, dès lors qu'on aborde un concept, on va le trouver disséminé dans l'ensemble des pages du cahier, avec des récurrences aussi dans les lettres. Et il appartient au lecteur de construire une sorte de sens qu'il attribue à ces concepts. Alors quant au sens commun, effectivement, vous soulignez à juste titre que dans les propos du Premier ministre, il est question du monde tel qu'il est. Et ça, c'est typiquement un syntagme qui relève du sens commun. Et Gramsci en parle. Il dit pas le monde tel qu'il est, mais il parle de l'existence objective de la réalité. Il dit qu'il y a dans le sens commun, y compris d'ailleurs chez des gens très cultivés, une sorte de croyance qu'il existerait objectivement une réalité ou la réalité, la même pour tout le monde, de tout temps, sous toutes les latitudes. Et pour Gramsci, il est très clair que c'est un héritage religieux. Dieu a fait le monde une fois pour toutes, indépendamment de la volonté des hommes et de leur possibilité de le modifier, et même de le connaître. Et par conséquent, pour Gramsci, c'est un élément du sens commun qu'il faut vraiment combattre ou réformer. Cette idée qu'il y a un monde tel qu'il est et que les hommes le subiraient plus qu'ils ne pourraient le rêver et le transformer. Il souligne d'ailleurs que, on le voit bien dans cette déclaration, que bien sûr c'est le propre des gens qui ont une formation religieuse, qui se réclament de la religion, de croire ça, mais aussi de beaucoup de gens, y compris cultivés, je ne doute pas de celle la culture du Premier ministre, y compris de gens qui se déclarent laïcs, qui se déclarent profanes, qui se déclarent absolument libérés de l'influence religieuse. En réalité, de la croyance ? Ils sont encore dans cette croyance qu'il existe un monde immuable et qu'il faut s'y adapter. Là, on l'a entendu très clairement. Hein, on a un énoncé de vérité, d'évidence, et on peut vouloir changer tout ça, mais nous dit le Premier ministre, il faut se résoudre au monde tel qu'il est. Alors pourquoi ce concept ou cette notion en tout cas de sens commun a pu intéresser Antonio Gramsci, sachant que, comme vous venez de le dire, Christophe Mileski, il y a toute cette part de croyances un petit peu immuables qui font que on a plutôt tendance à voir le monde comme quelque chose à laquelle on doit s'adapter, qui s'impose à nous, plutôt que comme quelque chose que l'on peut réformer. Alors justement, parce que Gramsci, il ne faut jamais l'oublier, Gramsci est un penseur, est un philosophe, est un écrivain, un grand écrivain, même je pense qu'on reviendra sur la question de la langue, mais c'est aussi, et peut-être d'abord, un militant. C'est un penseur politique et qui a sans cesse insisté sur la nécessité de ne pas séparer la pensée politique de l'action politique. Alors le paradoxe, c'est qu'il est en prison pendant de longues années de la fin de sa vie. C'est là d'ailleurs en fait qu'il rédige. C'est là qu'il rédige. Appeler, donc non pas son œuvre, mais disons en fait ce qu'il nous a légué. Oui et non, parce qu'il y a des milliers d'articles antérieurs à son incarcération qui sont très importants, mais qu'il a jamais lui-même voulu réunir dans une œuvre. On lui a proposé, quand il était en prison, on lui a dit on pourrait faire un florilège, on pourrait faire un recueil. Et il a dit non, c'était des textes de circonstances. Je pense qu'il ne pouvait pas s'en occuper lui-même et qu'il ne souhaitait pas que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Mais il y a des mines d'or dans les textes antérieurs à l'incarcération, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il écrit énormément. Et certains ont opposé un premier Gramsci à un second Gramsci, le Gramsci d'avant qui serait révolutionnaire, le Gramsci d'après qui serait réformiste. Non, il y a le Gramsci d'avant qui est libre et le Gramsci d'après qui est en prison. Mais je pense que dans sa ligne de pratique politique, de pratique révolutionnaire politique, il a jamais varié, il a toujours été un militant de la révolution. C'est-à-dire, pour lui, la révolution, c'est quoi? Ça n'est pas la révolution qu'on nous a vendue en 2017, qui consiste à faire encore plus la même chose. C'est l'accession d'une nouvelle classe au pouvoir. Pour lui, c'est ça la définition de la révolution. C'est pour ça qu'il dit que le fascisme n'est pas une révolution, par exemple. Le fascisme n'est pas une révolution parce que c'est le renforcement, le maintien au pouvoir d'une classe qui était déjà au pouvoir, qui devient encore plus puissante, encore plus hégémonique, encore plus dominante, mais qui n'est pas une nouvelle classe au pouvoir. Et Gramsci a toujours eu l'objectif de faire en sorte que les classes populaires s'émancipent et accèdent au pouvoir. D'où ma question, Christophe Mileski, pourquoi s'appuyer sur le sens commun qui plutôt a une dimension, on va dire, qui conserve plutôt qu'elle ne réforme? Absolument, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper, parce que le sens commun, c'est ce que la plupart des gens croient sans l'interroger. Il dit souvent que le sens commun est une sorte de philosophie. Il n'oppose pas le sens commun à la philosophie. Vous parliez du folklore, mais il est question du folklore, du sens commun, du bon sens et de la philosophie, dans une sorte de hiérarchie entre ces quatre termes. Le folklore, c'est la culture populaire. Le sens commun, c'est ce que les gens croient savoir ou savent, dans quoi il y a des bribes de vérité, des bribes de philosophie, au sens noble du terme, mais aussi des cristallisations de notions qui peuvent être anciennes, qui peuvent être erronées, et qui sont mises ensemble de façon un peu fragmentaire, disgregate, a dit Gramsci, incohérente. Et il faut travailler là-dessus, parce que c'est le sens commun, c'est la vision du monde du plus grand nombre. C'est propose... pour ça que Édouard Philippe, pardon, qui est loin d'être un ignorant, lorsqu'il dit le monde tel qu'il est, il sait bien qu'il joue sur un levier qui va faire écho chez la plupart d'entre nous. Ah bah oui, c'est vrai, le monde tel qu'il est, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le monde est comme il est. Hein, il joue sur ce levier en sachant très bien qu'il le fait. Lui-même, sans doute, sait que le monde n'est pas tel qu'il est, qu'il est tel qu'on se le représente, tel qu'on l'observe, tel qu'on le regarde. Je vous propose, Christophe Mileski, qu'on écoute tout de suite un texte d'Antonio Gramsci qui nous décrit ce qu'est justement le sens commun. Quelle est l'idée que le peuple se fait de la philosophie? On peut la retrouver à travers les manières de parler du langage commun. Une des plus répandues est celle de « prendre les choses avec philosophie ». Et cette expression, après analyse, n'est pas à rejeter complètement. Il est vrai que la formule invite implicitement à la résignation et à la patience. Mais il semble que le point le plus important soit au contraire l'invitation à la réflexion, à se rendre bien compte que ce qui arrive est au fond rationnel et que c'est comme tel qu'il faut l'affronter, en concentrant ses propres forces rationnelles et non en se laissant entraîner par des impulsions instinctives et violentes. On pourrait grouper ces façons de parler populaires avec les expressions semblables des écrivains de caractère populaire, en les empruntant au grand dictionnaire, ou entre les termes philosophie et philosophiquement. Et on verrait alors que ces termes signifient très précisément qu'on surmonte des passions bestiales et élémentaires au profit d'une conception de la nécessité qui donne à sa propre action une direction consciente. C'est là le noyau sain du sens commun, ce que justement on pourrait appeler bon sens, et qui mérite d'être développé et rendu unitaire et cohérent. On voit donc que c'est aussi pour cela qu'on ne peut séparer la philosophie dite scientifique de celle dite vulgaire et populaire, qui n'est qu'un ensemble d'idées et d'opinions disparates. Christophe Mileschi, on vient d'entendre interpréter par Maëlys Ricordo un extrait du texte d'Antonio Gramsci, La philosophie de la praxis face à la réduction mécanisme du matérialisme historique, l'anti-Boukharine, qui est en fait un article qui apparaît dans ses cahiers de prison, cahier 11. On y entend donc cette définition du sens commun, proche, le noyau dur, il le dit, du bon sens. Et ce qui me semble très intéressant, c'est la toute fin de ce texte où il dit « On ne peut pas séparer la philosophie dite scientifique de celle dite vulgaire et populaire qui n'est qu'un ensemble d'idées et d'opinions disparates. » Ce sens commun qu'on croyait figé, régressif, conservateur, est finalement là où on trouve toute une redéfinition, et c'est assez grand comme geste, de la philosophie. Absolument. Ce qui est tout à fait marquant chez Gramsci, c'est justement cette capacité qu'il a de créer des liens, des relations entre des domaines que traditionnellement on oppose. Le corps et l'esprit, l'intelligence et l'activité manuelle, le sens populaire, le sens commun et la haute philosophie et la haute culture, le folklore, même les expressions de la culture populaire, la chansonnette, le mélodrame, la lecture de livres qu'on appelle d'intrattenimento en italien, qu'on appellerait littérature de hall de gare aujourd'hui. Mais d'ailleurs, le début du texte, c'est celle-ci, c'est quand il parle de cette manière de parler du langage commun, quand on dit prendre les choses avec philosophie. C'est ça. On pense que c'est un petit peu banal, que ça ne veut plus rien dire, et finalement, il y trouve un sens. C'est ça, d'aller chercher des liens entre des expressions populaires, la manière de penser des gens du peuple, et ce qu'on appellerait la haute philosophie. Au lieu d'opposer, comme on le fait traditionnellement, ces domaines. Alors bien sûr, là aussi, je vous disais, c'est un militant politique. Il y a un parti pris politique qui est de dire... le peuple n'est pas composé d'êtres inférieurs, il est composé d'êtres humains, il y a un parti pris éthique aussi, et d'êtres qui ont potentiellement la capacité d'accéder aux plus hautes sphères de la connaissance et aux plus hautes sphères du savoir. Et il appartient à l'intellectuel qui se range du côté du peuple, qu'il appelle intellectuel organique, celui qui se fait le porte-parole des revendications et des désirs du peuple. Il a deux missions, celle de se faire le porte-parole précisément du peuple, mais aussi de l'aider, le peuple, d'aider les masses à s'émanciper et à accéder à la culture des dominants. Il a d'autre part aucun mépris pour la culture des dominants. Il ne pense pas qu'il faut faire table rase du passé, il faut connaître la culture de l'adversaire. Il faut que les ouvriers, que les masses rurales accèdent à cette culture. Et donc aillent à l'école et apprennent à lire si elles ne savent pas lire. Il y a beaucoup d'analphabètes en Italie à l'époque de Gramsci, des millions, et puissent pratiquer leur propre langue, le dialecte, mais également connaître la langue nationale, c'est-à-dire l'italien, connaître idéalement les deux, accéder au plus haut niveau de la culture dominante. On va revenir sur tous ces grands termes que vous venez d'énoncer, Christophe Mileschi, intellectuel organique, la question de la langue et du dialecte, mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur cette idée de philosophie. Finalement, qu'est-ce qu'entend Gramsci par philosophie? Il s'oppose à une philosophie dite haute, ou du moins il ne veut plus en fait de cette domination d'un certain savoir sur un sens commun qui ne le serait pas. Mais que reste-t-il de la philosophie? Avait-il vraiment une idée en fait de ce qu'était la philosophie, une défense d'une philosophie en particulier? Je crois qu'il a une idée précise de la philosophie comme objet historique. Pour Gramsci, qui est un matérialiste, qui est un marxiste, il n'y a pas d'objet humain en dehors de l'histoire. Et donc la philosophie aussi appartient à l'histoire. On ne peut pas la penser en dehors du mouvement historique. Et donc elle est détentrice de vérité, elle est détentrice de connaissances, mais qui sont des connaissances qui ont une histoire, qui peuvent disparaître, qui peuvent évoluer, et de nouvelles connaissances interviendront. Donc c'est un adepte de la connaissance, de la recherche, de la pensée, mais qui à aucun moment n'absolutise les vérités du moment. Donc pour lui, je crois que la philosophie, c'est comme ça que je lis Gramsci, la philosophie est une science extrêmement dynamique. Il le dit aussi des sciences dures d'ailleurs. Ce qui vaut à une époque ne vaut pas forcément à une autre. Exactement, mais il le dit des sciences dures, il a ô combien raison. Enfin, on sait bien que les découvertes scientifiques de l'époque de Galilée nous enseignent encore des choses, mais qu'elles sont pour partie assez largement dépassées. Et ce que nous croyons être vrai aujourd'hui dans le domaine de la physique cosmologique, par exemple, sera sans doute dépassé dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on n'en sait rien, mais tôt ou tard. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette conception-là de la philosophie? Qu'est-ce qui me prouve que ce qui vaut à telle époque ne vaut pas à une autre? Pourquoi, en fait, on devrait à un moment donné passer forcément à un autre type de savoir? Est-ce qu'il n'y a pas des savoirs qui perdurent? Oui, il parle de ça assez clairement en parlant de la science. Alors, quand il dit la science, je pense qu'il l'entend au sens latin du terme, c'est-à-dire le savoir, le fait de connaître. Il y inclut certainement la philosophie. Le rôle de la science, c'est de désigner ce qui, dans les connaissances du moment, est durable et ce qui mérite d'être écarté. Et ça vaut pour le sens commun. Au fond, le travail d'un intellectuel par rapport au sens commun, c'est-à-dire par rapport, on pourrait dire, à la vision du monde du plus grand nombre, à la vision du monde des masses, c'est d'y déceler le noyau dur, le bon noyau, le bon sens qui y réside, et de le débarrasser de ses scories, de ses croyances aberrantes, par exemple celle en un monde qui existerait objectivement indépendamment de nous. Il faut débarrasser absolument le sens commun de cette croyance fausse. Non seulement fausse, mais dangereuse, parce qu'elle est un frein et à la connaissance, puisque après tout, si le monde est comme il est, à quoi bon vouloir le connaître en dehors, disons, de l'utilité de s'y mouvoir et d'y vivre tant bien que mal, et puis un frein à la transformation du monde, puisque s'il est comme il est, qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Rien. Donc c'est vraiment un des points sur lesquels l'intellectuel doit agir, c'est d'historiciser, de faire prendre conscience à autrui du fait que ce qu'il croit être vrai ne l'est pas nécessairement. Et comment s'opère cette discrimination entre une part, on va dire, arbitraire, accessoire, et une part durable? Dans le sens commun, c'est très difficile d'opérer cette distinction. Alors je crois que si on se situe dans le champ de l'action politique, la distinction est assez évidente pour Gramsci depuis longtemps. Je ne veux pas dire de tout temps, parce que je n'en sais rien, mais depuis longtemps, sous nos latitudes en tout cas, nous constatons, Montaigne le disait déjà par exemple, et bien d'autres avant lui, nous constatons que la société est divisée en classes, on les a pas toujours appelées comme ça, mais elles existaient du temps des Romains, des Grecs anciens, etc. Elle est divisée en classes sociales, et certaines classes dominent les autres, exploitent les autres, bien sûr l'esclavage dans la Grèce antique, mais sous des formes différentes à travers les siècles, on constate cette constante. De sorte que le philosophe qui dirait « nous constatons que depuis bien longtemps, en Occident, une classe composée de peu de personnes domine des classes composées de beaucoup de personnes », énoncerait une vérité qui n'est sans doute pas éternelle. On ne peut pas dire que ça a toujours été comme ça et que ce sera toujours comme ça, mais énonce une vérité qu'on peut dire durable. Elle dure depuis un moment et à l'époque où nous vivons, on ne peut pas dire que pour l'instant elle soit dépassée, cette vérité. Elle est toujours d'actualité. Donc ça, c'est un des points sur lesquels Gramsci, qui est un penseur politique et un militant politique, travaille, essaye d'agir quand il est libre, et essaye d'agir de manière très concrète, hein, en écrivant des articles qui ne s'adressent pas aux autres intellectuels. Il n'écrit pas aux autres philosophes, il écrit pour les masses, il écrit aux masses. Des articles parfois très difficiles, mais qui s'adressent au monde ouvrier, qui s'adressent au monde syndical, qui s'adressent aux populations, y compris analphabètes, en supposant que quelqu'un se fera le relais de l'article en question. Et il ne lâche jamais cette volonté de travailler sur la question de l'injustice sociale, pour le dire très simplement. Fondamentalement, moi, ce que je pense dans ce qu'on peut appeler la question sociale, quoi, pour moi, c'est d'abord effectivement une question de quoi on croit les gens capables, quoi, etc. Et si on voit bien, malgré tout, à travers tout ce qu'on appelle conflits sociaux, tout ce qu'on a vu se développer un petit peu, disons, depuis les années 90, un peu avec, disons, toutes les formes, d'attaques contre la sécurité sociale, les acquis sociaux, les garanties au travail. On voit bien que ce qui est en jeu à chaque fois, c'est pas simplement tel ou tel, effectivement, avantage acquis qu'on essaye de renier, mais c'est aussi l'idée que, après tout, ces gens-là sont aussi capables, par eux-mêmes, disons, de penser un petit peu les affaires de la communauté, de penser l'avenir. C'était la voix de Jacques Rancière en 2013, un extrait de ses entretiens à la librairie Mola à Bordeaux. C'est vraiment très intéressant ce que dit là le philosophe Jacques Rancière, Christophe Mileski, parce qu'il dit, il y emploie cette expression de quoi les gens sont capables. Et ce terme de capable me semble vraiment faire écho à la pensée d'Antonio Gramsci, notamment par rapport à ce qu'on travaille aujourd'hui, cette notion de sens commun, puisqu'en fait le sens commun n'est pas juste un fond de savoir, de croyance, de champ, de culture, mais aussi quelque chose de très pratique dans lequel les gens vont pouvoir puiser pour agir. Absolument. J'aime beaucoup dans ce que dit Rancière, l'idée que les gens sont capables de beaucoup plus qu'on ne le croit ou qu'on ne fait semblant de le croire, et qu'ils sont capables de penser par eux-mêmes. Ça, c'est une idée extrêmement gramscienne. Gramsci est sans doute un des rares, sinon le seul penseur de son époque qui ait vraiment travaillé, en tout cas en Italie, sur une tentative de résoudre la fracture ou de créer en tout cas du lien entre les érudits, entre les savants, entre les intellectuels et les masses. C'est-à-dire pas forcément reconduire une forme d'opposition ou un renversement entre les dominés et dominants, où les dominés prendraient le dessus, mais vraiment penser un sens commun avec, où le commun a vraiment un sens. Absolument, où le commun a un sens, c'est une très belle formule. D'ailleurs, il était en désaccord avec des camarades du Parti Socialiste, puis du Parti Communiste sur ce point précis. Il y a des traces écrites d'articles polémiques et de contradictions échangées entre lui et d'autres. Bordiga, par exemple, un autre représentant de la sensibilité socialiste communiste à l'époque, qui lui dit que bon, c'est du temps perdu d'écrire des articles aussi difficiles, que les ouvriers ne les comprendront pas, et que ce à quoi il faut les éduquer, c'est à aller manifester, c'est à défendre leurs droits manu militari, physiquement, mais que l'instruction, on verra ça plus tard, c'est pas important. Gramsci n'en démord jamais, pour lui ça commence par là, ou en tout cas ça doit se faire en même temps. Une action militante ne peut pas se dissocier d'une action d'éducation du militant. C'est pas possible. Comment procède Christophe Mileski cette éducation, justement? Si effectivement l'objection est quand même très bonne, et c'est un débat qui est vraiment encore d'actualité, qui est que, par exemple, quand on travaille, on l'a vu, on le voit en ce moment avec la grève, si on ne fait pas grève, si on travaille, on n'a pas le temps en fait de lire des livres, des essais politiques sur l'engagement, sur les problématiques. On n'a pas non plus le temps de faire des actions, et il y a quand même effectivement une frontière très forte entre, d'un côté, l'action qui passerait par la grève, par des manifestations, par le fait justement de ne rien faire ou de faire quelque chose, et le fait de puiser dans un savoir. Le militantisme ne peut pas passer à côté de cette question-là, et donc du coup de cette question de l'éducation à militer ou à vouloir transformer le monde. Tout à fait. Alors Gramsci ne dit jamais que c'est facile. Il insiste beaucoup sur le fait que le travail qui est demandé aux prolétaires qui ont besoin de s'instruire, de maîtriser la culture la culture dominante, est un travail extrêmement difficile. Une souffrance. Il insiste beaucoup, d'ailleurs, pas seulement pour les prolétaires, il insiste beaucoup sur le fait que le travail intellectuel est un travail physique. Un travail qui induit une souffrance et une fatigue physique. C'est encore une des manières de ne pas opposer l'activité physique à l'activité intellectuelle. De même que l'activité manuelle est toujours, même, dit-il, dans les tâches les plus mécaniques et les plus dégradées, comporte toujours une part d'activité intellectuelle. Et toujours une sorte de philosophie en acte. Que le plus dévoyé des travails est un travail qui suppose une sorte de philosophie appliquée. et que les manuels qui sont relégués dans les tâches les plus pénibles de la société sont néanmoins des intellectuels en puissance, sont déjà des intellectuels. Que quiconque est un philosophe, que quiconque est un intellectuel, parce que il est en quelque sorte l'incarnation vivante d'une philosophie, par sa seule existence, j'ai envie de dire. Alors finalement, la philosophie n'est pas un fond extérieur à l'homme, mais un fond constitutif, et il suffirait de s'ouvrir soi-même pour puiser une philosophie et qui nous permettrait à la fois et de penser et d'agir, ou comme le dit Jacques Rancière dans l'archive qu'on a entendu, être capable de penser. Tout à fait. Alors, il faut faire attention au fait qu'il n'est jamais dans le spontanéisme. Il ne pense pas qu'il suffit de laisser le paysan inculte déployer la philosophie qu'il a en lui pour qu'on trouve un système parfait et totalement abouti. Il n'est pas naïf, il n'est pas spontanéiste. Il est un adepte de l'éducation, de l'instruction et de l'éducation. Et il y a un noyau chez quiconque de sens commun qui peut donner du bon sens, qui peut aboutir à une pensée philosophique, mais ça demande un travail considérable. Il déduit et pas ça. Et ce travail-là serait quoi alors finalement? Est-ce que ce serait si ça ne passe pas forcément par le fait d'avoir un maître, d'avoir un éducateur, si on n'a pas le temps, comment se fait ce travail-là? Je crois que non, il faut passer par des modes d'éducation, des modes d'apprentissage qui suppose alors peut-être pas un maître, qui suppose un accompagnement. Il déduit pas ça, c'est pas simplement des pensées théoriques abstraites sur l'humain comme à la Jean-Jacques Rousseau, hein, c'est quelque chose qu'il déduit de sa fréquentation réelle, d'abord dans son enfance, puisqu'il est issu d'une famille de la toute petite bourgeoisie sarde, enfin son père était de Campanie, mais il est issu d'un milieu relativement modeste. La Sardaigne étant à l'époque et encore aujourd'hui une terre un peu en dehors de la modernité, à l'époque a fortiori. Et ensuite, il monte à Turin comme étudiant et rapidement, il va dans les usines, il va rencontrer les conseils d'usine, il va rencontrer les ouvriers et ensuite, il est arrêté et il fréquente des détenus de droit commun, il fréquente des délinquants, des gens qui sont incultes, des gens qui sont analphabètes et il écrit dans beaucoup de lettres à sa famille, il écrit « mais c'est incroyable, je découvre des gens qui ont une philosophie, qui ont une vision de la vie, qui connaissent des tas de choses, qui connaissent les mille et une nuits, qui connaissent Homère, qui connaissent des bribes, des morceaux de choses, mais qui possède une forme de savoir qui leur est propre, qui est, je répète, désagrégée et incohérente. Hein, dans un extrait qui a été lu tout à l'heure, il dit « il faut rendre ça unitaire et cohérent ». Il faut fédérer ces éléments de savoir dans une vision du monde congrue et qui débouchera sur une prise de conscience de l'appartenance à une classe, la classe des exploités ou la classe prolétaire, de manière à modifier le monde. Parce que je répète, ça n'est pas un penseur abstrait dans l'absolu. D'ailleurs, il le dit dans l'absolu. Oui, il ne s'agit pas juste d'éduquer pour être sachant. Non, parce qu'il n'y a pas de pensée dans l'absolu, en fait. Il y a de pensée que dans le concret. C'est là où il est un philosophe de la praxis. Alors voilà, praxis. On y vient à ce terme, Christophe Mileski. C'est une philosophie, donc praxis, on y entend la dimension pratique. On y entend le fait que soit dépassée une opposition entre l'idéalisme et le matérialisme. Qu'est-ce que ça veut dire praxis chez Gramsci? Alors, il y a une première lecture possible, c'est que c'est un terme qui apparaît dans les cahiers et certains spécialistes considèrent que c'est un nom de code, qu'il invente ce terme, philosophie de la praxis, pour ne pas éveiller les soupçons en écrivant marxisme. Parce que s'il écrivait marxisme, l'autorité fasciste aurait pu s'en émouvoir. Donc, il met philosophie de la praxis. Bon, c'est pas sûr en réalité. Une sorte de concept crypté. Voilà, un concept crypté. Mais je crois que c'est un peu court comme explication. Ça peut être le point de départ de son idée de ne pas mettre marxisme ou matérialisme historique, de mettre philosophie de la praxis. Ça peut être le point de départ, mais dès lors qu'on énonce un terme, il finit par prendre du sens, même si on ne voulait pas au départ. Et ça prend du sens, je trouve, c'est Gramsci, à cause justement de cette non-séparation, de cette insistance de sa part sur le fait de ne pas séparer activité intellectuelle et activité physique. De vouloir, et de même d'ailleurs que le manuel est un philosophe qui s'ignore et que le philosophe, il y insiste aussi, développe une activité qui engage son corps, qui engage son équilibre physique, Et là, j'ai pensé en découvrant ça chez Gramsci à Nietzsche, qui dit que les seules bonnes pensées sont celles qu'on a en marchant, donc qui est déjà en quelque sorte quelqu'un qui ouvre la possibilité de réconcilier le corps et l'âme, hein, une scission qui est ancienne. De même, l'intellectuel doit être dans un rapport aux masses qui n'est pas un rapport dichotomique. Il doit appartenir en quelque sorte à la masse. Il est forcément un peu en dehors parce que il n'est pas lui-même un prolétaire, mais il doit être en proximité avec les masses, il doit les fréquenter, c'est ce qu'a fait Gramsci, et il doit les fréquenter dans l'optique d'amener les masses à lui, en quelque sorte, pas de les garder dans un rapport de suggestion. C'est pour ça que le choix de Rancière est très judicieux pour cette émission, parce que Rancière est l'auteur du Maître ignorant, et qui raconte comment un maître se met à enseigner quelque chose qu'il ne sait pas, ou qu'il ne sait pas bien, et l'apprenant en même temps qu'il l'enseigne. Ça, c'est une idée qui est très gramscienne. Gramsci insiste beaucoup sur le fait que la situation idéale d'apprentissage, c'est une situation où le maître apprend en même temps que ses élèves. Pas forcément la même chose, mais qu'il est dans une position d'apprenti lui-même avec ses élèves apprentis. Il n'y a pas le maître qui sait les choses et qui les divulgue d'en haut sur une masse ignorante, qui les verse, qui les fait ruisseler sur une masse ignorante. Pas du tout. Hein. C'est une implication réciproque. Et je pense que là, quand Gramsci théorise cette chose-là, ça vient de sa pratique, de sa praxis, parce qu'il a enseigné, lorsqu'il était à Oustica, avant d'être incarcéré définitivement, en attente de procès, il était avec des détenus de droit commun à qui il donnait des leçons, à qui il avait, avec d'autres, pour lesquels il avait construit une sorte d'école dans la prison. Je vous propose, Christophe Mileski, qu'on écoute un autre texte d'Antonio Gramsci où il parle de l'apprentissage aussi, mais de l'apprentissage de la langue. Très chère Teresina, on m'a remis il y a quelques jours seulement la lettre que tu m'avais envoyée à Oustica et qui contenait la photographie de Franco. Ainsi, j'ai enfin pu voir ton petit garçon et je te fais toutes mes félicitations. Franco me semble très vif et intelligent. Je pense qu'il parle déjà couramment. Dans quelle langue parle-t-il? J'espère que vous le laisserez parler en sarde et que vous ne le contrarierez pas à ce sujet. À mon avis, cela a été une erreur de ne pas avoir laissé Edmea, lorsqu'elle était toute petite, parler librement en sarde. Cela a nui à sa formation intellectuelle et a imposé une camisole de force à son imagination. Il ne faut pas que tu commettes cette erreur avec tes enfants. D'abord, le sarde n'est pas un dialecte, mais bien une langue, même si elle n'a pas une grande littérature. Et il est bon que les enfants apprennent plusieurs langues quand c'est possible. Et puis, l'italien que vous lui apprendrez sera une langue pauvre, mutilée, faite seulement des quelques phrases et des quelques mots de vos conversations avec lui, une langue purement infantile. Il sera sans contact avec le milieu extérieur et finira par apprendre deux jargons et non une seule langue. Un jargon italien pour la conversation officielle avec vous et un jargon sarde, appris par bribes et par morceaux, pour parler avec les autres enfants et avec les gens qu'il rencontre dans la rue ou sur la place. Je te recommande de tout mon cœur de ne pas commettre une telle erreur et de laisser tes enfants sucer tout le sardisme qu'ils veulent et se développer spontanément dans le milieu naturel où ils sont nés. Ce ne sera pas une gêne pour leur avenir, tout au contraire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et vous écoutez les chanteurs de phonie, polyphonie de Sardaigne, juste après ce texte d'Antonio Gramsci, interprété par la comédienne Maëlys Ricordo. Alors, c'était un extrait d'une lettre du 26 mars 1927 qu'il a écrit de sa prison, une lettre adressée à sa sœur Teresina, où il défend le fait que ses neveux et nièces apprennent le sarde, Christophe Mileski. Il accorde une importance toute particulière à la langue et on y voit comment la langue est pour lui un moyen de résister à une forme d'oppression culturelle, un moyen aussi d'affirmer le sens commun dont nous parlons aujourd'hui comme moyen de réformer et de résister au monde. Absolument. Alors sur le sarde, d'abord, il y a une chose très intéressante que les linguistes d'aujourd'hui confirmeraient, c'est qu'il ne dit pas le sarde est un dialecte, il dit le sarde est une langue. Aujourd'hui, il y a quand même, dans la lignée de Max Weinrich, beaucoup de linguistes qui considèrent que les dialectes sont des langues. Les dialectes, ça fait armée. Un petit peu en bribe, oui, pas construite, sans grammaire. En français, on a l'impression que c'est une sorte de forme dévoyée de la langue officielle, alors qu'en fait, pas du tout. Linguistiquement, un dialecte, c'est une langue qui ne s'est pas développée au niveau d'un État, tout simplement, qui n'a pas eu historiquement et politiquement et économiquement un destin national. On sait bien que le français, tel qu'on le parle aujourd'hui, est issu d'un dialecte, que ça aurait pu être un autre dialecte si l'histoire de France avait été différente. Donc en Italie, c'est pareil. Donc ça, c'est une idée qui, l'air de rien, est extrêmement moderne. Et quant au rapport à sa propre langue, Gramsci n'est pas un défenseur du dialecte contre l'italien. Là encore, il n'oppose pas les choses. Il pense que les gens doivent connaître leur propre langue, leur langue maternelle. Le dialecte sarde, c'est la langue maternelle des Sardes à l'époque, encore un peu aujourd'hui. Mais connaître aussi très bien l'italien. Et qu'on connaît d'autant mieux une langue autre qu'on connaît très bien une première langue. Plutôt que de connaître mal les deux. Et ça, cette insistance, elle se rattache à d'autres endroits où Gramsci parle, par exemple, de l'éducation populaire telle qu'elle est conçue et pratiquée ordinairement. Ça crée, dit-il, des sortes de chiens savants, des gens qui, parce qu'ils savent deux, trois choses notionnelles, des dates, des données qu'ils ont apprises... Une sorte de culture générale, Générale est un peu éparse et non organisée, alors même qu'ils sont éventuellement issus du monde prolétaire, se sentent autorisés à mépriser des autres prolétaires au nom de ces quelques notions, de ces quelques connaissances qu'ils ont, dont ils ne font rien d'autre que s'en vanter. C'est la même chose. Attention à ne pas couper le lien entre l'être humain et le monde dont il vient. Le monde dont il vient, en l'occurrence, on a vu avec l'exemple de la langue, mais c'est pareil pour toutes les questions culturelles, d'où son intérêt pour le folklore, pour le sens commun, c'est-à-dire les aspects de la créativité populaire. C'est le terme peut-être qui réunit un peu tout ça. Alors j'ai beaucoup de questions, Christophe Mileski, par rapport à cette question de la langue que je trouve vraiment passionnante, parce que on pourrait aussi se poser de la question de l'uniformisation de la langue et de la perte des dialectes. Comme vous l'avez dit, les dialectes, ce sont des langues qui ne se sont pas développées à un niveau national. D'ailleurs, on voit, c'est très intéressant aussi de le souligner, l'imbrication entre le langage et la politique, c'est-à-dire le langage est politique. Il renseigne d'ailleurs d'où nous venons. On essaye de le transformer en fonction des situations où nous nous trouvons. Mais comment faire quand les dialectes se perdent, quand en fait l'instruction nous oblige à uniformiser des manières de dire, des accents aussi par exemple, ou des formulations? Alors, comment faire? Il faut à la fois vivre dans le monde et en même temps résister la langue. Bien sûr, là, je pense qu'on est dans des phénomènes qui sont en partie inéluctables et qu'il ne nous appartient pas beaucoup de transformer, même si j'ai dit tout à l'heure un peu le contraire. En l'occurrence, en Italie, les dialectes résistent encore un petit peu, parce que l'Italie est un pays jeune par rapport à la France, mais ils sont également en perte de vitesse. Les jeunes générations comprennent encore les dialectes, les pratiquent beaucoup moins. À l'époque de Gramsci, la situation est tout à fait différente. Y compris dans les milieux cultivés, le dialecte est la première langue. Pour des gens qui seraient d'une génération ayant aujourd'hui 50 ou 60 ans, la langue maternelle dans la plupart des régions d'Italie, c'est le dialecte. L'italien est une langue apprise à l'école, pour les gens qui sont nés dans les années 20, dans les années 30, peut-être encore dans les années 40. Le fascisme, ça n'est pas un hasard, a essayé de combattre les dialectes, a essayé d'imposer une langue uniforme et uniformante, si j'ose dire. Parce que, évidemment, c'est la manière dont on parle qui détermine en partie la manière dont on pense. Gramsci, ça aussi, en parle régulièrement. Gramsci dit une chose intéressante sur la langue et sur le langage en général. Il dit « le langage est le plus grand obstacle aux innovations ». C'est parce que nous nommons les choses d'une certaine façon que nous ne sommes pas capables de penser qu'elles pourraient être autrement. Alors que le dialecte permet justement par la diversité de voir les choses autrement ? Le dialecte, évidemment, est une sorte de décalage par rapport à un langage officiel. Et je pense que c'est une des raisons, il ne le dit pas à sa sœur, qui peut-être ne comprendrait pas les tenants et aboutissants de cette idée, mais une des raisons pour lesquelles il faut maintenir les dialectes, c'est qu'ils sont un contre-langage. Comme il y a un contre-pouvoir, il y a un contre-langage, le dialecte, qui permet de penser la langue dominante, la langue nationale, qu'il faut connaître. Il insiste beaucoup sur le fait que les ouvriers et les prolétaires et les masses rurales doivent connaître l'italien. L'effort d'apprentissage sur lequel il insiste englobe évidemment la question linguistique. Alors, ou alors, on pourrait peut-être imaginer, et je pense par exemple à tous les débats qu'on a eus récemment sur l'écriture inclusive, ou par exemple, quand on écoute d'autres formes artistiques et musicales comme le hip-hop, à par exemple des transformations du langage. Bon, on parle du verlan, bon, c'est un peu daté maintenant de dire ça, mais c'est une vraie question de dire, plutôt que de faire perdurer des dialectes, ou alors les faire perdurer, mais aussi se dire qu'on a une langue officielle qu'on peut travailler, détourner, complètement transformé. Oui, alors je crois que si on ne peut pas faire en sorte que les dialectes ne disparaissent pas, ils disparaissent, on ne peut pas non plus empêcher que d'autres langues émergent, surviennent, des langues populaires. Vous parlez du hip-hop, ça me paraît un très bon exemple, le rap avant cela. On ne peut pas l'empêcher, je ne sais pas exactement ce que Gramsci en aurait pensé, mais je suis persuadé qu'il aurait pas regardé le rap et le hip-hop du haut de sa science, avec condescendance et mépris. Je pense qu'il y aurait accordé un très grand intérêt, comme à des formes émergentes de ce qu'il appelait la créativité populaire. Une culture populaire qui mérite, comme la littérature de second rang, comme les pièces de théâtre grand public, à l'époque les gens allaient beaucoup au théâtre, comme le mélodrame, il aurait accordé une très grande attention conceptuelle à tout ça pour aller y chercher précisément des éléments de revendication, des éléments de dignité sociale de la part des plus démunis, des plus humbles. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es sortie? Je t'avais dit de pas bouger. Frankie, pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Où ça? À l'hospice, hein? À l'hospice. Alors toi, vraiment, t'as vraiment l'air de me mettre en colère, hein? Pourquoi tu dis l'hospice, hein? Parce que c'est l'hospice, ça, pour toi? Te fâche pas, Frankie, ne te fâche pas. Te fâche pas. Écoute, maman, c'est pour toi que nous le faisons. Pour ton bien, pour ton avenir. On te dorlotera, on te servira. On n'a pas regardé à la dépense. Et c'est pas donné, ici, tu sais, c'est oui, pas... Oui, d'accord, mais ne te fâche pas, ça fait du mal à maman. Mais, oh. Mais pourquoi tu te fâches tout moi? Alors, moi, fâché? Mais je ris, et toi, ris aussi. Qui a peur des grands méchants loups? Méchants loups, c'est pas nous. Et qui a peur des... Tu te souviens, maman? Ah oui, je me souviens, oui. Mais quand voulez-vous m'emmener ici pour de bon? On vient d'écouter, Christophe Mileski, un extrait du sketch Comme une reine, donc un sketch réalisé par Ettore Scola qui apparaît dans le film Les Nouveaux Monstres qui date de 1977. On y entend, à mon sens, non pas seulement la langue, l'idée de culture populaire qui passerait par la langue, mais l'idée aussi de représentation de personnages populaires dans des films populaires. Alors là, on entendait en plus ce personnage de Franchino qui accompagne sa mère âgée à la maison de retraite. Elle n'a pas envie d'y aller. On y entend tout, donc le lien à la mère, leur souvenir commun avec cette chanson, le fait aussi la difficulté de la vie et le coût en fait que ça représente de mettre sa mère, autant financier que sentimental, dans une maison de retraite. Et je pense que Gramsci aurait trouvé dans ces films-là qu'il n'a pas vu peut-être une source, comment dire, une nourriture à ce sens commun qu'il défend. Oui, alors si j'ai bonne mémoire, en contextualisant un peu cet extrait, le titre d'ailleurs du film à sketch, c'est Les Nouveaux Monstres. Et ça s'inscrit plutôt dans une manière de dévoiement de ce qu'ont été les classes populaires qui, avec le boom économique italien au début des années 60, se sont enrichis et sont devenus ce qu'on appellerait des parvenus, sont devenus de nouveaux riches, de nouveaux monstres, nouveaux riches, et qui abandonnent, là en l'occurrence, l'acteur qui joue le rôle, c'est Alberto Sordi, qui incarne vraiment l'italien moyen dans l'imaginaire italien, dans tous les films où il a joué. Il incarne toujours l'italien moyen, donc effectivement l'italien du peuple, du petit peuple même, mais qui s'est enrichi La preuve, il peut payer une maison de retraite à sa mère, alors que ça coûte cher, mais qui, par conséquent, a rompu avec le monde dont il venait. Hein. On en parlait juste avant l'extrait. Il a perdu le contact avec ce qu'il était, en l'occurrence avec l'idée de ce qu'est une famille, avec les liens qui l'unissent à sa mère. Et il reste quand même cette petite musique, oui, cette petite chanson petite qu'ils musique, ont en commun. Une chansonnette, d'ailleurs, qui est ce qui construit le sens commun selon Gramsci, enfin qui fait partie de ce qui construit le sens commun, mais le résultat c'est qu'il abandonne sa mère. Hein. À la fin du sketch, elle demande quand est-ce que vous allez m'amener ici pour de bon, et ben c'est ce jour-là pour de bon. Et il laisse sa mère et il part. Et il la laisse et on comprend qu'il va jamais venir lui rendre visite, que c'est un abandon comme on abandonne son chien sur une aire d'autoroute. Ce que Gramsci aurait vu, c'est ce qu'il voit d'ailleurs Pasolini à peu près à cette époque-là, quelques années plus tôt, c'est une mutation de la classe prolétaire des Italiens en général. Il parle de mutation. Comme si c'était une mutation génétique, hein, une mutation anthropologique. Et c'est là où la culture populaire, où le cinéma, où la littérature, où la musique nous permet justement de se reconnecter avec ce sens commun. Alors, ce que montrent ces films, c'est comment les classes populaires, au lieu de développer leur propre culture et d'en faire une philosophie, au lieu de transformer le sens commun dans lequel il y a des choses positives, par exemple le sentiment d'être exploité et que ça devrait cesser, ont adopté la culture des dominants, ont adopté la culture des patrons et finalement ont perdu le sentiment d'appartenance à une classe pour des miettes de pain, pour un petit enrichissement matériel. Mais en voyant ce film, on peut quand même se dire, on peut se sentir coupable. C'est-à-dire que sans faire partie de l'Italie, du boom de l'Italie des années 60, je ne peux que être touchée par ce qui me lie à ma mère. Que va-t-il se passer quand elle va vieillir? Que vais-je faire? Et finalement, le cinéma ou la littérature ou la musique peut me faire prendre conscience en fait de ce détachement d'une culture populaire, commune, folklorique de l'enfance. Ah ben il est certain qu'à l'époque de la comédie à l'italienne, hein, l'époque dont est tiré ce film, il est certain que les cinéastes sont dans leur très grande majorité issus, disons, de la culture marxiste. Il est certain qu'ils connaissent Gramsci, qui a été rendu célèbre par Togliatti à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il est certain qu'ils sont dans une perspective d'émancipation des masses. Et que le cinéma est un instrument qui n'existait pas vraiment à l'époque de Gramsci, qui commençait à exister. Il n'en parle pas beaucoup du cinéma. C'est plutôt le théâtre qui l'intéresse. Hein. L'art de masse à l'époque, c'est le théâtre et en Italie, l'opéra, où les gens allaient en masse, y compris des gens analphabètes. Il est certain que dans les années 70, en Italie, les cinéastes sont dans une optique qu'on peut dire gramscienne, c'est-à-dire que pour eux, le cinéma est un instrument d'émancipation, d'instruction, d'éducation des masses. Est-ce qu'on peut dire que les cinéastes, mais aussi alors les dramaturges, les chanteurs d'opéra, sont ce qu'appelle Gramsci des intellectuels organiques? C'est à chacun d'entre eux de le décider. L'intellectuel organique, c'est un intellectuel qui se fait l'interprète des classes populaires. Alors pourquoi organique d'ailleurs, précisément? Ben, parce qu'il y a l'idée que le système qui doit amener à un changement du monde forme un organisme, c'est-à-dire une structure organisée. Et l'intellectuel est un élément de cet organe. Comme l'organe est l'émanation d'un corps et appartient à un corps et fait fonctionner le corps et ne fonctionne pas sans le corps, l'intellectuel organique est une émanation du système de la classe dont il fait partie ou à laquelle il se sent lié. Il peut ne pas en faire partie. Je répète que Gramsci lui-même n'était pas issu exactement du monde paysan, il n'était pas issu du monde ouvrier, mais il s'y attache. Au sens, dans tous les sens du terme d'ailleurs, il s'y attache, il se lie à lui concrètement et s'en fait l'interprète, le porte-parole et l'interprète. Donc les cinéastes, les artistes peuvent être des intellectuels organiques? Mais tout à fait. Quiconque, si je puis dire, peut le devenir. Je pense que Jacques Rancière, dont vous avez parlé tout à l'heure, à mes yeux, est un intellectuel organique de la classe ouvrière. Et on va écouter tout de suite la voix d'un intellectuel organique, un autre intellectuel organique. Un régime universel, dans l'absolu, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais déjà, un euro cotisé, un euro de retraite, vous voyez, par exemple, est-ce qu'on prend en compte les différences d'espérance de vie? C'est-à-dire que quand vous avez des ouvriers qui vont vivre à la retraite 10 ans de moins que des cadres supérieurs et qu'on oublie, comme par hasard, de prendre en compte ça dans le calcul des taux de cotisation et des taux de remplacement, l'arnaque est quand même un peu énorme parce qu'au total, c'est ceux qui vont vivre 10 ans de moins qui vont cotiser pour ceux qui vont vivre 10 ans de plus. Donc, dans cette notion de justice, parce que c'est ça le cœur du débat, je pense que le gouvernement a quand même un problème avec la notion de justice, disons. Moi, je pense qu'un régime universel doit pas être fondé sur des points qui peuvent bouger tout le temps. Le pilier du système, c'est un financement de 28% de cotisation sur tous les salaires jusqu'à 10 000 euros par mois, 120 000 euros par an, environ 7 SMIC, et ça tombe ensuite à 2,8% au-delà de 120 000 euros, donc 10 fois moins. Moi, je pense qu'un système de retraite doit être financé sur l'ensemble des salaires, y compris les plus élevés, et éventuellement un taux plus élevé sur les salaires les plus importants, mais certainement pas un taux 10 fois plus faible, 2,8%. Mais quand même que la demande de solidarité vis-à-vis des hauts salaires est quand même très faible par rapport à 28% sur les... Donc là, on a un système, c'est l'impôt régressif qu'on invente là, et c'est quelque chose qui montre que le gouvernement n'a toujours pas compris la demande de justice. C'était la voix de Thomas Piketty, l'économiste, qui revenait donc sur cette réforme des retraites. On a quand même du mal à suivre ce que peut dire Thomas Piketty, alors même qu'on peut être concerné par le sujet. Et c'est là où on a peut-être ce risque d'un intellectuel qui donc se fait le porte-parole du sens commun, mais aussi son représentant, aussi le pédagogue de ce sens commun, mais qui peut être aussi un petit peu illisible, inaudible. Alors c'est vrai que c'est assez technique. J'ai pas forcément tout suivi non plus parce qu'il y a des pourcentages, des chiffres. Je ne sais pas si Thomas Piketty est un intellectuel organique et si oui, de quelle classe sociale il serait l'interprète. C'est pas à moi d'en décider. Mais ce qui est certain, c'est que dans une perspective gramscienne, l'intellectuel n'a pas à abaisser le niveau de sa réflexion. Il n'est pas censé descendre au niveau des gens à qui il doit enseigner quelque chose. Il n'y a pas de condescendance. Non, il ne doit pas descendre parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il faut au contraire qu'il élève ceux à qui il parle à son propre niveau. Et on en parlait tout à l'heure, là-dessus, Gramsci a tenu dur contre des camarades qui lui disaient « c'est trop compliqué, tes articles, il y a de magnifiques articles ». C'est pour ça que tout à l'heure je disais « c'est un écrivain » et à mon avis un grand écrivain. Parce que si le langage est un obstacle à l'innovation, parce que nous pensons et nous parlons en partie par figure figée, par formule toute faite. Par convention. Par convention, par héritage, avec des bribes de choses qui viennent dit Gramsci, éventuellement du mélodrame, c'est-à-dire de la chansonnette. Il remarque comment dans le langage populaire, il y a des tas de cristallisations de formules toutes faites, comme ça, qui sont des pensées pré-pensées, des pensées toutes faites, et qui, évidemment, empêchent une évolution et une transformation du monde. Donc si nous pensons de cette manière, il faut y prendre garde et, en quelque sorte, dès lors qu'on pense, essayer de déconstruire chaque formule toute faite et de voir ce qu'elle dit sans qu'on sache qu'elle le dit. Et donc je pense que c'est un grand écrivain parce que son écriture ne cède jamais à ce genre de convention et de facilité. Et il est un extraordinaire inventeur de métaphores parce que la métaphore nouvelle, renouvelée, contrairement à la métaphore rancie et utilisée depuis des siècles, la métaphore nouvelle est une manière de remettre du lien entre l'abstrait et le concret. Mais comment être accessible tout en restant technique ? Bah, c'est pas facile. Je pense que Rancière y réussit généralement très bien. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait conseiller à Thomas Piketty de travailler encore un peu plus. Bon, après, c'est une interview, c'est un extrait, ça s'insère dans un contexte. Peut-être qu'on n'a pas été non plus, nous, très honnêtes en présentant juste ce moment très, très, très, avec beaucoup de chiffres, il faut le dire, et qui paraît obscur quand on l'écoute comme ça. Mais souvent, les économistes, même les économistes les mieux intentionnés, ont cette difficulté, je trouve, à rendre concrètes leurs pensées, et il faudrait leur demander de travailler dans le sens de l'écriture. Quelqu'un comme Frédéric Lordon l'a très bien fait lorsqu'il a publié cette pièce à l'époque de Nicolas Sarkozy, d'un retournement l'autre, sur la crise des subprimes. Il y a des choses très techniques qu'on comprend pas très très bien, mais c'est écrit en alexandrin et ça se joue, c'est une pièce de théâtre et ça devient très concret par l'incarnation même des personnages. J'ai fait des lectures de ce texte et j'ai assisté à des lectures de ce texte, et là pour moi c'est un travail qui va dans ce sens-là, qui va dans le sens de, par la métaphore, par le jeu métaphorique, de rendre accessible au plus grand nombre, y compris à des gens qui n'ont pas de culture économique, des questions économiques extrêmement pointues. À la matinée.